Merci de nous rejoindre sur Isanganiro. Voici les grands titres de ce journal. Trois magistrats du tribunal de grande instance de Bururi risquent 7 ans de prison ainsi qu'une amende de 2 millions de francs burundais chacun pour complot dans la perturbation de la sécurité. Tel est le réquisitoire du parquet près la cour d'appel de Bururi qui les accuse d'avoir libéré des personnes poursuivies pour assassinat. La commission Vérité et Réconciliation CVR dit avoir besoin d'une maison de conservation des restes humains de 1972 et de protéger les sites de la mémoire. Ses commissaires ont effectué une descente avec des parlementaires sur certains sites à Gitega, l'objectif étant de les sensibiliser pour un plaidoyer auprès du gouvernement. La création de l'Agence nationale de gestion du stock. La création de l'Agence nationale de gestion du stock de sécurité alimentaire en Aguessa est bonne, mais nécessite quelques mesures d'accompagnement. Vous entendrez l'analyse de Gabriel Rufsili, président de l'Olicom. Isanganiro, la radio de l'avenir. Le parquet près la cour d'appel de Bururi a requis une peine de 7 ans et 6 mois de prison et une amende de 2 millions de francs burundais chacun à trois magistrats du tribunal de grande instance de Bururi. Ils sont accusés de complot dans la perturbation de la sécurité en libérant provisoirement 8 détenus poursuivis dans le dossier des cas d'assassinat à la machette. C'était à Bururi au mois de mai l'année écoulée. Dans leur plaidoirie, ces magistrats ont affirmé n'avoir commis aucune infraction car cette décision a été prise conformément à la loi, surtout que même le tribunal de grande instance a déjà acquitté ces personnes. C'est ce qui a été déclaré ce vendredi au cours de l'audience publique à la cour d'appel de Bururi. Ce dossier a été mis en délibéré. Zénon Zambimana. Ces trois magistrats du tribunal de grande instance de Bururi, dont une femme, ont été accusés ce vendredi au cours de cette audience publique par le procureur général près de la cour d'appel de Bururi d'avoir libéré provisoirement au mois de juillet de l'année écoulée 8 détenus de la prison de Rumonge, poursuivi dans le dossier des cas d'assassinat à la machette. C'était au mois de mai de l'année écoulée en commune de Bururi. Une décision qui a été mise en application par le directeur de cette prison, qui est lui aussi sous les verrous avec ses deux collègues, car selon cet officier du ministère public, le procureur de Bururi avait déjà interjeté appel et sept détenus sur 8 sont retournés dans cette prison. Le président du siège a voulu savoir si la libération provisoire d'un détenu peut devenir une infraction alors que le parquet a le droit d'interjeter appel. Cet officier du ministère public a répondu que ce cas de ces trois magistrats concernait la sécurité qui prime sur tout. Selon lui, ces 8 détenus ne devraient pas bénéficier de cette libération provisoire. Il a accusé ces trois magistrats d'avoir joué le complot dans la perturbation de la sécurité en libérant ces 8 détenus. Ces trois magistrats se sont exprimés à leur tour en disant qu'ils n'ont commis aucune infraction car la libération de ces détenus a été faite conformément à la loi, surtout qu'ils ont manqué d'indices de culpabilité. Elle a prévenu que même le tribunal de grande instance de Bururi a acquitté ce 30 janvier 2024 ses détenus de la prison de Rumonge, selon ses magistrats qui disent qu'ils sont emprisonnés illégalement et demandent d'être acquittés. Le procureur près la cour d'appel de Bururi leur a requis finalement une peine de 7 ans et 6 mois de prison et le versement d'une amende de 2 millions de francs burundais chacun, conformément à l'article 610 du code pénal livré 2. Ainsi, la cour d'appel de Bururi a mis ce dossier en délibéré et la décision sera prononcée dans 30 jours, selon le président du siège. Depuis Bururi, Zénon Zabimara pour la radio Isanganiro. Merci Zénon. Des divergences s'observent entre le parti CNL et le ministère de l'Intérieur quant à l'organisation d'un congrès extraordinaire ce samedi 2 mars. Selon des correspondances échangées, ce parti dit se référer à la réponse du chef de l'État lors de la récente émission publique tenue en province de Chankuzo. L'objet de ce congrès, auquel sont invités les membres du dit parti sous sanction, dit-il, vise le dénouement définitif de la crise au sein de ce parti. Cependant, le ministère de l'Intérieur rappelle que jusqu'ici, la suspension des activités de ce parti reste de mise. Mireille Kanyangé a lu ses correspondances. Voici son compte-rendu de lecture. L'objet de cette correspondance du 26 février, Kagaton Rwasa, président du parti CNL, a adressé au ministère de l'Intérieur, est la tenue d'un congrès extraordinaire pour le dénouement de la crise au sein de ce parti, sur proposition des leaders du parti à la base, écrit-il. Cette correspondance, dont les copies ont été adressées au chef de l'État et au premier ministre, le président du parti CNL dit se référer au message du président de la République lors de la récente émission publique tenue en province Changhuzo, une réponse selon laquelle, écrit-il, il incombe au président du parti et représentant légal de s'atteler à la résolution de la crise au sein de son parti. Selon toujours cette correspondance du 26 février, le président du parti CNL dresse la liste des invités, mentionnant ainsi les membres du bureau politique, y compris ceux sous le régime de sanctions, et demande plutôt au ministère de l'Intérieur de se faire représenter lors de ce congrès extraordinaire prévu ce 2 mars à la permanence nationale du dit parti 6 au quartier Ngagara. Dans sa réponse du 28 février, le ministère de l'Intérieur revient sur les correspondances adressées à ce parti au mois de mai et juin dernier et lui demande de revisiter ses correspondances, de mettre en œuvre toutes les recommandations avant de penser à l'organisation de toute convention nationale dans le respect de la loi sur les partis politiques, des statuts et règlements d'ordre intérieur du parti CNL. Dans cette correspondance, le ministère de l'Intérieur rappelle que la mesure portant suspension de toutes les activités du parti CNL demeure d'application stricte, clarifie-t-il, aussi longtemps que le président de ce parti ne manifeste pas la volonté de faire un pas vers le rétablissement de la sérénité, aussi bien au sein des organes dirigeants légalement reconnus qu'entre militants du dit parti. Merci Mireille. Et l'acquisition d'une maison de conservation des restes humains de 1972, la protection des sites de la mémoire ainsi que les moyens financiers sont parmi les doléances que la commission Vérité et Réconciliation CVR a exposées auprès de l'Assemblée nationale pour un plaidoyer au gouvernement. C'était ce vendredi à Gitega, après une visite effectuée par les députés au site de conservation des restes humains provisoires dans la commune Gitega, au site de la mémoire de la colline Machitsi dans la commune Guieta et de la colline Bukirasazi en commune Chombo dans la province Karoussi. Le premier vice-président de l'Assemblée nationale a indiqué que désormais il leur sera facile de faire le plaidoyer pour cette commission, étant donné qu'ils ont vu que leur mission n'est pas facile. Arthur Kavarouchi. Cette visite guidée des honorables députés a débuté au site de conservation provisoire des restes humains de 1972 au quartier Musinzira, puis au site de mémoire de la colline Machitsi dans la province de Gitega et à celui de la colline Bukirasazi dans la province Karoussi. Le président de la commission Vérité et Réconciliation, Pierre Claver Ndaïchalié, a demandé à l'Assemblée nationale de faire pour eux un plaidoyer auprès des hautes autorités. Nous demandons aux plus hautes autorités du pays de nous donner une maison solide et bien protégée pour la conservation provisoire des restes des victimes de 1972 déjà trouvées dans toutes les provinces. Deuxièmement, la construction d'un musée de la mémoire qui va aider les Burundais à connaître ce qui les a endeuillés. Troisièmement, aujourd'hui, nous sommes à court des moyens que l'État nous donne. Nous demandons à l'Assemblée nationale de plaider pour que nous ayons les moyens et un personnel suffisant. Sabine Ntakarutimana, première vice-présidente du président de l'Assemblée nationale, a indiqué qu'ils vont porter leurs doléances auprès des hautes autorités. Au nom de ceux qui sont avec moi, nous allons porter aux concernés ces recommandations à ceux qui nous ont mandatés et pour le bien du pays. Et nous croyons qu'ils vont faire quelque chose. Les honorables députés ont lancé un appel au bourreau de 1972 encore en vie d'approcher la commission Vérité et Réconciliation et de dire ce qui s'est passé. Depuis Gitega, Arthur Kavabushi, Radio Isanganiro. Vous n'avez pas Isanganiro? Vous ratez l'essentiel. L'idée du gouvernement de créer l'Agence nationale de gestion du stock de sécurité alimentaire en Aguessa est bonne, mais nécessite quelques mesures d'accompagnement pour qu'elle puisse générer des revenus. C'est l'analyse de Gabriel Oufsiri, président de l'OLUCOM, qui trouve qu'il devrait y avoir des données statistiques avant la collecte des productions. Le président de l'Observatoire de lutte contre la corruption et les malversations économiques, OLUCOM, se demande pourquoi cette collecte ne concerne que les graines de maïs sec. Suivez Gabriel Oufsiri. Depuis l'année passée, Anaguessa collecte seulement les graines de maïs. Mais ici, on doit se poser la question. Pourquoi les graines de maïs secs au moment où tous les Burundais savent bien que la principale alimentation des Burundais n'est pas le maïs? Nous savons que c'est le haricot qui vient en premier lieu. Mais pourquoi la collecte des haricots n'est pas au rendez-vous? Donc pour moi, je pense qu'il y a un agenda qui est derrière qu'on ne connaît pas encore, mais aussi... Comme je le disais tantôt, c'est la conception même de l'idée qui a fait fausse route. Pourquoi? Parce que d'abord, dans l'émission d'Anaguessa, il devait y avoir la collecte des données, donc des chiffres, les statistiques. D'abord, des bouches à nourrir, les populations à nourrir. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, la production. L'évaluation de la production par saison. Et si réellement la production est abondante, c'est-à-dire que le gouvernement devait envisager l'exportation. Si la production n'est pas abondante, il y a plusieurs aléas, plus particulièrement climatiques, c'est à ce niveau-là que le gouvernement devait aussi envisager l'importation des produits manquants. Mais malheureusement, quand on regarde les missions d'Anaguessa, il ne figure pas ces chiffres que je viens de donner, la collecte de ces chiffres, l'analyse de ces chiffres, et faire suite à ces chiffres. Donc, Anaguessa n'a pas ses missions. Raison pour laquelle, pour OLUCOM, cette politique de collecte de ces produits vivriers, l'OLUCOM la considère comme la politique de plantation des plants fruitiers, la politique du charroi zéro, la politique de privatisation du secteur café, la politique des coopératives. Toutes ces politiques en soi, ce sont de bonnes idées vraiment. Mais la manière dont ces politiques ont été conçues, ça ne produit pas vraiment des résultats escomptés. Le président de l'OLUCOM, Gabriel Oufsiri, dont les propos ont été recueillis par Évariste Nzikobanyanga. Le Burundi compte augmenter la couverture du programme national de l'alimentation scolaire à 100% d'ici 2032, au moment où les écoliers bénéficiaires de ce programme sont à 24% aujourd'hui. Lors de la célébration de la 9e édition de la Journée africaine de l'alimentation scolaire ce vendredi, le président burundais Evariste Ndayishimiye a appelé le secteur privé à investir dans l'alimentation scolaire pour transformer le système éducatif inclusif et prospère. Un reportage de Lydie Gahimbare. Des différentes délégations présentes dans les cérémonies de la célébration de la 9e journée africaine de l'alimentation scolaire ont partagé des expériences sur les bienfaits de l'alimentation scolaire, surtout l'éducation scolaire dans leur propre pays. Pour le Burundi, selon le rapport de l'éducation nationale, le programme de l'alimentation scolaire a poussé à l'augmentation du taux de réussite jusqu'à 5,1%. Et la diminution du taux d'abandon scolaire à 3,6% par rapport à la moyenne nationale, comme l'a indiqué Évariste Ndayishimiye, président de la République. L'étude révèle que les écoles dotées de cantines enregistrent une augmentation de 5,1% de taux de réussite et une diminution de 3,6% des taux d'abandon par rapport à la moyenne nationale. De surcroît, l'alimentation scolaire au Burundi se révèle comme un levier important pour l'atteinte des objectifs nationaux, continentaux et mondiaux, à savoir l'ODD 1 relatif à l'éradication de la pauvreté, l'ODD 3 relatif à la bonne santé et au bien-être, l'ODD 4 relatif à l'éducation de qualité et de l'aider, oui, à la croissance économique. Pour ce faire, le numéro 1 burundais a précisé que le Burundi compte faire une couverture universelle d'ici 2032. C'est dans cet esprit que le Burundi s'est fixé l'objectif d'atteindre la couverture universelle de l'alimentation scolaire pour les écoles à cycle scolaire et fondamental d'ici 2032. Nous prévoyons d'impliquer le secteur privé dans ce programme. Un des scénarios étant de les faire participer dans la mise en place des dortoirs et des restaurants dans les écoles et postes fondamentales et à travers un partenariat gagnant-gagnant, les impliquer dans la fourniture d'une bonne alimentation moyennant des tickets à un prix abordable pour les volontaires. Dans le cadre d'appuyer ce programme, le gouvernement du Burundi a augmenté le budget alloué au secteur de l'éducation allant de 4,8 aux 12,5 milliards au cours de l'exercice budgétaire 2023-2024. 42 pays sur 54 de toute l'Afrique exécutent le programme de l'alimentation scolaire. 60 enfants âgés de 3 à 5 ans vont être encadrés dans une garderie construite sur la colline commune Vumbi par la Fondation STAM dans le but d'aider les parents à s'occuper efficacement des activités champêtres. Cela contribuera à la bonne alimentation et une bonne éducation de ces enfants avant leur scolarisation, d'après le coordinateur de ce projet, Gordien Daichimiye. Au souhait des parents et du gouverneur de Kirundo de voir l'initiative durer, son coordinateur répond qu'il s'agit d'un projet pilote et que donc cette garderie pourrait être étendue à d'autres communes pour recevoir d'autres enfants qui restent toujours nombreux dans la région. Agnès Naomagadze. Cette garderie communautaire se trouve sur la colline et commune Vumbi, près du site de réfugiés, à 17 km de la province Kirundo. Elle est une réponse aux problèmes liés à la garde des enfants, comme l'indiquent certains parmi les femmes bénéficiaires de ce projet, qui disent avoir des difficultés à garder leurs enfants en cultivant parce que ces derniers mangeaient de la boue et autres saletés, ce qui occasionnait des maladies liées aux mains sales. Elles indiquent qu'elles vont avoir de la facilité à effectuer leurs activités champêtres parce que leurs enfants se trouvent dans de bonnes mains. Elle demande l'approvisionnement en eau potable parce que dans cette localité, il s'observe une carence d'eau où un bidon de 20 litres d'eau s'achète à 400 francs bout. Gordien Daichimier, coordinateur de ce projet dans la Fondation STAM, indique que le système de collecte des eaux pluviales sera installé dans cette garderie et que les enseignants qui effectueront une éducation à ces enfants seront payés par le financement du gouvernement allemand à travers l'organisation Weltunger. Il demande à l'administration et ses femmes bénéficiaires de contribuer pour la durabilité de ce projet. Eric Ndoyez, chef du cabinet du gouverneur, salue les initiatives de cette organisation et mentionne que l'administration va étudier comment contribuer pour que cette garderie reçoive beaucoup d'enfants parce que cette colline est la plus grande de toutes les collines de la commune Vumbi. Depuis Kirundo, Agnès Naumagadze pour la radio Isanga. En bref, une fille de 17 ans a été violée par son employeur mardi sur la colline et commune Mabanda de la province Makamba. Le présumé violeur n'a pas réussi à lui donner de l'argent pour qu'elle garde le secret et a pris le large. Les défenseurs des droits de l'enfant dans cette commune demandent que cet homme soit poursuivi en justice. La police déclare qu'il est activement recherché. Et pour boucler ce journal, il y a de cela 5 ans, l'artiste Bruno Simbavimbere, surnommé Memba, quittait ce monde. Il est connu pour son dévouement à la cause des artistes musiciens burundais et aura dirigé l'amicale des musiciens du Burundi. La radio Isanganiro reconnaît sa grande contribution dans l'organisation de la compétition annuelle Isanganiro Award depuis ses débuts jusqu'à sa disparition. Notre chroniqueur culturel Christian Savier, revient sur son parcours. Bruno Simbavimbere, connu sous le pseudonyme de Memba, a commencé à jouer à la batterie dès l'âge de 16 ans. Son premier orchestre fut Mihigo des Grands Lacs avec l'artiste Baga, puis Amabano avec les grands de l'époque comme Africa Nova, Chanjo Amis et les autres. Memba était membre du Chemeza Music, un groupe gospel. Il a aussi fait partie d'un grand orchestre des débuts des années 2000, Line Band, qui jouait de la musique reggae pour la réconciliation et la paix dans la ville de Bujumbura et ailleurs. Il a été président de l'amicale des musiciens du Burundi pendant plusieurs années. Mimba était proche de la grande compétition organisée par la radio Isanganiro, Isanganiro Award. Ici, il s'exprime sur l'évolution de la musique burundaise. Alors, c'était vraiment l'époque où, après Mabano, comme un grand orchestre du pays, après la Kizamutima, l'orchestre Emigo de Glalac, c'était des musiciens qui habitaient du côté du nord, c'était de Kamenge et Kinama. Ils avaient leur style à eux, le goût de la musique. Bon, quand vous attendez les musiciens du Congo, ils ont un style à eux. Alors, le goût de la musique, ça a été une révélation. C'était ça, tout le monde se demandait si le goût de la musique, goût de la musique. Mimba a rendu l'âme le 1er mars 2019 suite aux blessures sur la tête causées par les malfaiteurs qui l'ont attaqué en rentrant à son domicile. Merci à vous tous qui avez suivi avec intérêt ce journal que je vous présentais. Ainsi se referme cette édition. Restez à l'écoute de nos programmes.